France Inter. Notre blockbuster de la semaine est un film, Frédéric Sigrist. Nous conseillez-vous d'aller voir la nouvelle production des studios Marvel, le troisième Ant-Man? Non mais soyons sérieux, comme si j'allais réussir à convaincre une seule personne autour de cette table de payer une place de cinéma pour aller voir un film intitulé Ant-Man et la Guêpe 3, Quantum Mania. Mais c'est mort! Je pourrais faire ma chronique en alexandrin sur une jambe en jonglant avec des boules de bowling enflammées que vous iriez pas. On sait tous comment ça va se passer, hein. Dans 3 ans, le film va passer un dimanche soir à 21h30 sur TF1 et le lendemain, si France Inter a la patience de me garder jusque-là, vous allez me dire entre deux portes, ah tiens Fred, j'ai pensé à toi hier soir, j'ai vu un de tes films, là, comment c'était, à L'Homme Termite 3 ou un truc dans le genre, c'était sympa, ça sera l'apex de vos retours sur mes chroniques. D'ailleurs, sur cette antenne, on va se dire les choses, je suis pas un chroniqueur culturel, je suis un envoyé spécial, je suis un peu le Pierre Aski des films de merde. Donc, que dire d'Ant-Man 3, si ce n'est que c'est un film qui ne plaira pas aux cinéphiles du masque et la plume, qui ne plaira pas aux amateurs de cinéma de genre extrême qui trouvent qu'on ne parle pas assez de ce film d'horreur norvégien où une talentueuse actrice s'arrache des ongles de plis face caméra après avoir eu des rapports sexuels avec une voiture alien, à mi-chemin entre David Cronenberg et Mario Bava. Un film qui ne plaira pas aux cinéphiles barbus trentenaires à casquette qui font des vidéos YouTube avec des vignettes titrées « Pourquoi le MCU s'est claqué au sol ?» Bref, Mathilde, un film qui ne plaira à personne, sauf peut-être à ceux à qui il est destiné, c'est-à-dire pas nous, les plus jeunes. Désormais, à chaque sortie de film Marvel Studios, on a droit aux mêmes critiques, souvent légitimes, hein, et Ant-Man 3 n'y échappe pas. Visuellement, c'est une bouillie numérique sur fond vert, on dirait que toutes les images du film ont été lavées avec une chemise désiguale, l'humour est affligeant, les acteurs indigents, un scénario écrit par un enfant de 7 ans, ce film est un Star Wars du pauvre. Sauf que... Je vous invite à montrer l'épisode 4 de Star Wars à un enfant, 7 ans aujourd'hui, et vous verrez que le film culte de votre enfance à vous n'a peut-être pas été aussi bien filmé ou écrit que vous n'imaginiez. N'en déplaise, mais ce qu'il y a souvent de mieux dans les blockbusters d'avant, finalement, c'était surtout l'âge qu'on avait quand on les a vus. Le scénariste de BD Alan Moore n'a pas tort lorsqu'il dit qu'il n'est pas sain qu'un homme de 45 ans, c'est-à-dire un homme comme moi, passe des heures de sa vie à s'énerver sur des films basés sur des hommes fourmis. Quelle que soit la qualité artistique de ces films, Ant-Man est à ma grande surprise un héros que mes enfants adorent particulièrement. Car il est joué par le sympathique et éternellement jeune Paul Rudd, parce que c'est un héros qui échoue et se trompe, qui galère à essayer d'être un papa à la hauteur de l'image que sa fille Cassie a de lui. Un héros avec un passé de tolard, qui est un des rares personnages de Marvel Studios à devoir travailler pour gagner sa vie. Un héros qui a une compagne 1000 fois plus compétente que lui et qui est le premier à le reconnaître. Un monsieur tout le monde qui est toujours à 2 doigts de demander un autographe quand il se retrouve côte à côte avec Thor ou Captain America, un héros qui change de taille et peut littéralement changer son échelle de valeur en permanence, une baignoire qui se remplit devient une catastrophe naturelle pour lui, et l'instant d'après, il se sert d'un poids lourd comme d'une trottinette. Bref, Ant-Man, c'est un peu le héros près de chez vous. Un rôle qui habituellement est dévolu à Spider-Man, mais comme Marvel Studios est contraint de partager les droits du personnage avec son concurrent Sony, ils n'ont la garde qu'une semaine sur deux. Et c'est d'ailleurs pour moi le vrai problème de fond de ce numéro 3. C'est que depuis que Marvel Studios a fait disparaître plus ou moins toutes les stars de son catalogue, Iron Man, Captain America, Black Widow ou Black Panther, ils ne peuvent plus compter que sur les seconds rôles pour lutter contre les grandes menaces. Et rendre des super-vilains réellement menaçants quand ils sont tenus en échec par un daron fourmi qui fait des blagues, c'est compliqué. Remarquez, un humoriste qui du jour au lendemain se retrouve parachuté général en chef d'un pays en guerre contre une puissance qu'il dépasse, ça s'est déjà vu dans le monde réel. Frédéric Sigrist et votre chronique Blockbuster tous les vendredis pour refermer le 5-7.